Bonsoir, bonjour, bienvenue dans Secret du Son de Bas, bonsoir DJ Melon. Hello Grégoula. Bienvenue dans une nouvelle édition du Secret du Son de Bas, sous le signe des ténèbres et de la passion. Une émission ultra vénère, autant s'accrocher au fauteuil. Si tu veux pas écouter du vénère, change de cap, change d'émission, prends-en une autre. Va sur le move. Va sur le move. Et encore, des fois, tu peux prendre ta raclée, alors change de cap. On va commencer cette émission tout de suite par l'excellent 7-inch de... Le premier 7-inch de Ark. Ark, c'est l'ancien frontman de Tent. Excellent combo anglais qui avait sorti des super disques dans les années 2000, qui avait été mis un peu en stand-by, un peu trop précocement, on va dire, à mon humble avis, et qui revient avec un sous nouvelle forme qui s'appelle Ark. On écoute le morceau Mythopéa, ça sort sur Destructure Records et Superfi Records. Secret du son là-bas. C'est parti. We'll be right back. Arc dans Le Secret du Son d'Abat, tiré de leur premier 45 tours, tiré à 300 exemplaires. Voilà, ils sont en train d'enregistrer un premier album qui devrait sortir courant 2013. On les attend de pied ferme. Et juste pour dire que c'est un. Alors on est vraiment dans très très proche de Tent pour ceux qui connaissaient le combo et les précédents disques du frontman. Et la phase B est un peu plus progressive, un peu plus presque psyché des fois. Vraiment c'est très très bon et vraiment il me tarde d'écouter la suite. Belle entrée en matière discographique et en ce qui nous concerne pour cette émission, Chaloula. Voilà, on poursuit avec un très très chouette concert. C'était au lieu unique en novembre, j'ai plus la date en tête, peut-être début décembre, novembre 2012. C'était la venue de Stephen O'Malley en solo et l'excellent trio parisien à Look to Dolo. Une date vraiment à marquer d'une croix à l'envers évidemment. Vraiment très chouette concert de Stephen O'Malley, gros drone à la guitare. Évidemment, il fallait s'y attendre. Il l'avait annoncé hein, de toute façon. Donc on n'est pas très surpris, mais évidemment l'effet. À chaque fois on est là, ouais, il va nous la faire, ouais, on le connaît le truc, gna gna gna. Et une fois de plus, c'était très très beau. Enfin, juste génial, une inspiration toujours, je suis toujours bluffé, et ça fait quand même maintenant 5-6 fois que je le vois. Et vraiment, que ce soit avec Sun Ho ou en solo, vraiment Stephen O'Malley, et il en fait pas des tonnes, hein, vraiment toujours assez humble, mais dès qu'il met sa guitare, les amplis, ses pédales, et voilà, tout est parti, et on est parti avec lui. Ça décolle. Et on décolle, vraiment, c'était un très très très chouette moment. Et avec évidemment un niveau sonore, on vous en parlera pas. Insoutenable. Bah, j'étais un peu fatigué, mais j'ai mis les boules caisses. Et en première partie. C'est significatif. C'est un peu significatif, c'est vrai, pour ceux qui me connaissent. Juste auparavant, il y avait Look to Dolo, donc le trio parisien qui a sorti un formidable album cette année, leur deuxième ou deux et demi en tout cas. Et qui avait joué du coup beaucoup de ce nouvel album, donc entre post-rock, rock progressif, black metal, vraiment ils ont pas vraiment choisi eux, et vraiment c'est vraiment dans tous ces paysages sonores qu'ils défendent en tout cas leur ambition musicale. Vraiment il y a quelque chose d'assez ambitieux, des fois un peu je dirais pas maladroit, mais en tout cas il y a un truc, des fois ça flotte un peu, mais vraiment c'est super. On va écouter aussi un extrait. On écoute tout de suite Sun Ho et ensuite Look to Dolo. Sun Ho tiré de cette démo sortie cette année 2012. On va écouter le morceau Peacock Angel, qui est un grand, globalement un gros drone aussi, qui reflète assez bien, je trouve, le concert qu'on a pu voir de Stephen O'Malley. Sun Ho et Look to Dolo dans Le Secret du Son d'Abat. Thank you. Et oui, quelle ambiance, Alou Todolo avec le morceau 2 tiré de l'album Occult Rock, sorti sur Norma Evangelium Diaboli. Donc en cette année 2012, un très beau double album, vinyle, chaudement recommandé pour les amateurs de transgenre. Voilà, transgenre total, mais dans l'occulte. Hein, voilà, des trucs un peu bizarres, un peu étranges, vous avez vu, hein, vraiment, c'est très progressif, vraiment plein de choses dans ce morceau, tout comme dans cet album, vraiment, ouais, que j'aime beaucoup. On poursuit avec... Eh bien, on y vient à Neurosis. Après avoir un petit peu hésité, hein, Grigoula, on le diffuse, on le diffuse pas. Ouais, moi j'avoue, on est là au mois de novembre, hein, 2012, mois de décembre 2012, et moi je suis pas complètement dedans, donc je te laisse en parler. C'est bien la première fois. Démerde-toi. Voilà, non mais c'est vrai que cet album, il est... Mais parlons-en, je veux dire, comment ça se fait, Grigoula? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il se passe que, à plusieurs fois, la Neurosis, les albums, c'était pas forcément le bon moment, en tout cas pour moi, de les écouter, et que je les ai mis de côté, et puis je suis revenu dessus, je me suis aperçu qu'ils sont toujours tous aussi importants les uns que les autres. Voilà, là. Écoute, tu viens me dire l'essentiel, tu viens me dire l'essentiel, parce que, voilà, à mon sens, voilà, c'est un album qui, au départ, effectivement, on se pose la question, et puis on l'écoute. Et moi j'ai vraiment ressenti cette espèce de titre en fait super dépressif, Honor Found in Decay. Alors est-ce que c'est le chant du cygne? Ce serait un peu rapidement les mettre au placard. Ouais, non, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a, c'est des gens qui ont encore des choses à dire. L'album en fait, voilà, se révèle au fur et à mesure des écoutes, et il y a vraiment de très très belles pièces à l'image de The Casting of the Ages qu'on va s'écouter tout de suite. Vraiment très beau morceau, très triste. Moi je trouve qu'il y a vraiment une vraie tristesse qui se dégage de ce disque. Et dans les interviews qu'il donne en ce moment, il y a une forme d'abandon, hein, sur d'autres trucs genre... voilà, ouais, et là ils viennent de virer, enfin, faut en parler, faut employer les vrais mots, mais ils viennent de virer le vidéaste, hein, je pense qu'ils passent, comme ils le disent, hein, sur leur site internet, à une autre étape. Et voilà, et je pense qu'à chaque fois les étapes dans Neurosis sont toujours importantes. C'est un groupe qui se recrée constamment, qu'on a un peu l'impression qu'ils font toujours plus ou moins la même musique, c'est vrai et pas vrai. Et je crois que ce nouvel album, il est là-dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'on reconnaît un certain nombre de codes musicaux qui leur sont propres, mais en même temps, il y a des sons de clavier différents, il y a une certaine lenteur peut-être accentuée, il y a... Une sorte de dépouillement aussi. C'est moins puissant, je pense. En tout cas, ça impressionne moins que peut-être certains de leurs précédents disques. En tout cas, vraiment, moi, je trouve qu'il vaut au moins la peine qu'on en parle ce soir, aujourd'hui, et qu'on écoute ce très très beau morceau, Casting of the Ages, tiré de l'album Honor Found in Decay, sorti sur Neurot Recordings, leur propre label, Neurosis, dans le secret du son là-bas. Thank you. just the one and the one. We'll be right back. Mais mon cher Grigoula, ça pourrait durer des heures. On était complètement là-dedans. On était bien. On baignait dans la... Ouais, voilà. La graisse d'oie. Doom à la graisse d'oie. C'est bientôt les fêtes, voilà. On vous en fait profiter en avance. La digestion est difficile. Si hein. jamais on passe le cap de l'apocalypse, voilà, on vous propose Cult of Occult comme bande-son de vos fêtes de fin d'année. Tonton va aimer. Tonton va aimer, je pense. Tata aussi. Hein. Tata risque de faire des sauts de cabri, tu sais. Peut-être bien, ouais. Excellent. Excellent, monsieur Melon. Eh ben écoute, c'est l'ami Azam de Heavy Mental qui nous avait mis sur la piste de ce Cult of Occult. A priori, un combo lyonnais, ça reste à préciser parce que lui-même n'avait pas l'air d'en être sûr. Si le lyonnais n'est pas sûr voilà. d'où viennent les groupes lyonnais... Et tout était dit dans sa chronique, monolithique, maniaque, crade, ultra-violent, les oreilles qui saignent, voilà. Que dire de plus, ça sort, c'est sorti à la fin de l'année 2011 en self-release, en MP3, et puis le label néerlandais Hammer Heart Records a eu la bonne idée de le produire en vinyle. C'est bizarre. C'est bizarre. En allongeant, puisque c'était d'abord un 4 titres, et je crois que sur le vinyle il y en a 5. Tout est à l'image de ce qu'on vient d'écouter entre Sludge et Doom. C'est vraiment. Ça sert à rien d'essayer de régler votre chaîne IFI, c'est vraiment cradingue comme ça. et même c'est pour bon. Du son numérique. Voilà. Bon, excellent, Cult of Occult. Dans le secret du son de bas, on reste dans l'occulte, ou presque. Tout à fait. On continue avec le retour de. William Bennett et... De William Bennett et de son projet Cut Hands. Donc là, c'est une petite séance de vaudou écossais qu'on va se faire, puisque William Bennett et Cut Hands, William Bennett, ex-leader de White House. Projet pour le moment mis entre parenthèses. C'est son projet un petit peu de fantasmagorie africaine, puisqu'il l'a dit lui-même, il n'a jamais foutu les pieds sur le continent, mais il collectionne les instruments autant que les musiques traditionnelles, notamment de Centrafrique ou de Guinée, un certain nombre de pays comme ça qui ont sa préférence. Et il construit son imaginaire rythmique et magique, hein, ouais. Un petit peu transcendantal autour oui. de ça. On est vraiment dans la transe avec. Alors on avait adoré l'album Afro Noise Volume 1 qui en fait collectionnait des travaux sur une dizaine d'années. Hein, donc il y avait une certaine hétérogénéité quand même si le projet se tenait. Hein. Mmh. Là on est sur des travaux plus récents, donc assez différents, qu'il a composé donc sur la période 2011-2012. On retrouve les deux titres qui étaient parus sur Blackest Ever Black en vinyle, dans des versions légèrement différentes, notamment pour le morceau Crocodilo. On est sur des choses qui sont avec un tempo qui s'est ralenti, qui fait place à vraiment un développement des ambiances. Il y a beaucoup plus de sons synthétiques. D'ailleurs, il évoque lui-même dans ses notes de pochette le fait qu'il utilise pas mal de bécanes de chez Roland et autres. Donc voilà, des sons un petit peu qu'on avait beaucoup, des sons de synthé qu'on connaît bien, qui ont beaucoup été utilisés dans les années 90, mais donc, voilà, qui passent aussi dans ses effets pour en tirer quelque chose d'assez personnel. C'est assez hypnotique, assez fascinant. C'est moins violent que les premiers. Peut-être une bonne porte d'entrée vers Cut Hands pour les néophytes et les plus méfiants. On va s'écouter donc un extrait de l'album Black Mamba. Si vous en êtes là dans l'émission, vous êtes moyennement méfiant quand même. Vous êtes prêt à tout. On va s'écouter donc un extrait de Black Mamba sorti chez Very Friendly et Susan Lowley. Susan Lowley, c'est son propre label. Le morceau s'appelle No Spare, No Soul. Bienvenue chez William Bennett et Cut Hands. Ambiance stratosphérique et rythmique du fond de la mine. C'est les frangins John et Paul Ellie alias Somatic Responses, nos petits chouchous. Juste génial. Juste génial comme d'habitude ou presque. Les deux derniers albums, ils étaient un peu inégaux. Je suis d'accord. On a laissé passer. On avait adoré Concrete Glider, sorti il y a peut-être 2 ans maintenant. Et puis laisser passer quelques EP, 4-5 titres, le Strange Future EP, le Colors EP, le Viral Hybrid aussi, peut-être un poil moins intense, voilà, et voilà. En tout cas, il y a cet album, la Tachyon Attack, dans lequel on a, je crois, l'un et l'autre mis un petit peu de temps à rentrer. Pareil, on était aussi un petit peu dubitatif. Et puis, l'air de rien, à force de l'écouter, vraiment, il y a des tubes. Il y a des tubes. Et dont celui-là. Voilà, c'est vraiment des morceaux de cette intensité. Il y en a quelques-uns. Et puis surtout, voilà, moi c'est mon petit. Tu as pu les voir en live. C'est aussi. Ça, c'est mon. C'est après ton petit moment de nostalgie doom avec Luc Todolo et Stéphane O'Malley, c'est à mon tour puisque j'ai enfin eu l'occasion de les voir en live. Il y a quelques temps maintenant, courant novembre à Berlin, à l'occasion du 20e anniversaire du label Praxis. Et voilà, c'est de la musique que tu danses, le poing levé, les yeux fermés, c'est. C'est puissant, émouvant, un live vraiment dantesque et hyper vivant, des gars adorables, la grosse banane et le gros son, voilà, c'est... Somatic Responses. Plus fan que jamais, Somatic Responses dans Secret du son d'Abba, avec donc cet album Tachyon Attack, sorti sur le label néerlandais Dark Descent, malheureusement pour le moment uniquement en CD et format numérique. Ouais. Comme souvent le cas, malheureusement, pour Somatic Responses. Voilà. On le déplore. On va passer sur un projet qui, pour le moment, n'a même pas de sortie physique. C'est l'album Paletas de Kay of... alors, Gahead Indie, on ne sait jamais exactement. Dans une récente interview donnée à Noise Mag, il souhaitait carrément qu'on prononce ça Go Ahead and Die. C'est quelqu'un qui est sérieusement obsédé par la mort. Un petit peu partout sur les sites auxquels qui font référence à son projet, les siens ou ceux de ces structures voisines ou amies, on sait pas bien, c'est assez nébuleux son truc et son crew. En tout cas, voilà, il est constamment fait référence à des aspects liés au passage un peu particulier, mais qui nous attend tous, mon cher Grigoulard, entre la vie et la mort. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est tout à fait réjouissant. Et ce Paletas, donc, est un album 11 titres. Quand on va sur le bandcamp du garçon, il est référencé de janvier 2013. Pour autant, quand on cherche un petit peu, on trouve des références issues de 2010. Alors, étrange. Tout ça est tout à fait étrange. En tout cas, l'album est vraiment savoureux. Il est instrumental, contrairement aux deux précédents qu'on avait eu l'occasion de défendre ici, Sana Sana et Raphood and Authenticity. Voilà, donc Paletas, c'est sa palette sonore sans ses vocalises. Peut-être un poil moins intense que le Sana Sana, mais vraiment assez savoureux, groovy, grinçant, grattant. Comme on les aime, des morceaux assez brefs, on ne s'ennuie pas du tout à leur écoute, ça passe tout seul. On va s'écouter Tamarindo, extrait donc de Paletas, un album disponible pour 7$ seulement sur le bandcamp de Kay of Go Ahead and Die, dans ce cas ils sont là-bas. We'll be right back. Vatican Shadow dans Le Secret du Son Abba. On a commencé à diffuser sa musique dans une précédente émission. Va falloir s'y habituer parce que c'est vrai que moi j'écoute ça quasiment en boucle. Projet parallèle de Prudent. Voilà, de Dominique Farnow de Los Angeles, qui fantasme depuis sa Californie un Moyen-Orient électronique assez différent de celui qu'avait fantasmé Muslim Gauze il y a 15 ans. Mais ils sont un peu dans le même délire pour autant, avec des pochettes où ils n'hésitent pas à mettre Saddam Hussein, avec voilà, des disques qui sortent les uns après les autres à une vitesse assez effarante. On a l'impression qu'ils s'arrêtent jamais de composer. Ainsi claquait sa pipe un peu à la façon Muslim Gauze, peut-être que pendant 15 ans on découvrira encore des inédits. Ça donne un peu cette impression là en tout cas. Que ça sorte en cassette sur Hospital Productions, son propre label, ou ici en vinyle sur Blackest Ever Black. Pour le moment, j'ai pas entendu grand chose qui ne vaille pas la peine d'être écouté et réécouté. Je trouve ça assez fameux. Évidemment, très, très daté, hein, de par les moyens employés, l'imaginaire qu'il peut avoir lui-même. Pour autant, voilà, moi, c'est un peu ma culture, donc cette musique électronique-là. Donc je m'y reconnais complètement, et c'est vrai que c'est assez savoureux, c'est fin, et les superpositions de mélodies ou de lignes mélodiques sont hyper, hyper subtiles, très très finement amenées, souvent assez tristes, assez... plein de désillusions, un peu à l'image de Neurosis. De Neurosis et de tout ce qu'on vient d'écouter jusqu'ici, dans un registre sonore différent. Voilà, ça c'est le September Cell, non n'importe quoi, c'est le September Cell, on l'avait écouté la fois précédente, c'est le Iraqi Praetorian Guard EP sorti sur Blackest Ever Black au printemps 2012. Vatican Shadow, donc dans Le Secret du Son là-bas, et je pense qu'on en entendra encore parler. On poursuit et on retourne un petit peu à quelque chose d'un peu plus énervé. Plein de rancœur, plein de désillusions aussi. C'est le retour de Grateful. Grateful, c'est le groupe post-Playing Enemy. Post Kissing Goodbye. Voilà, deux groupes qui me sont chers, très chers. Et c'est l'occasion de souligner la réédition chez Révélation de l'unique album de Kissing Goodbye. Un album de hardcore séminal, vraiment crucial des années 90. Voilà, et Playing Enemy qui est la suite logique, plus Dazing Killmen, qui a débouché suite au départ de Playing Enemy à un duo, Great Falls, toujours avec le bassiste et le guitariste, et qui était un duo avec une boîte à rythme, et qui maintenant a un batteur, et ils ont sorti un premier album en 2011, qui était plutôt sympa, mais qui n'avait pas complètement marqué. Qu'on avait diffusé, si ouais, je me souviens. Ouais, ouais, enfin bon, qui est très bon, mais il manquait un truc. Et là, ils reviennent avec deux splits, et on va écouter un split avec le split cassette avec Pink City. Et on va écouter un extrait de Great Falls, un extrait de au moins 10 minutes. Il s'appelle Wound Instruction, The Head of Pens in Red Morph. Et voilà, c'est haineux, c'est tendu, c'est pas cool, c'est New York, c'est un peu cette fin 2012 qui me rend un peu vénère. C'est juste le secret du son là-bas. C'est le secret du son là-bas. Bye. Peak Destroyer. Ça manquait un peu de grind aussi, je trouvais. Voilà, un petit peu réveil, un petit Tahiti douche. Voilà, c'est Peak Destroyer dans le secret du son de bas avec un nouvel album vraiment très réussi, une quarantaine de morceaux, une version de luxe avec un deuxième CD où on retrouve des reprises Monostret, Bad Brains, etc. Mylène Farmer, Jean-Michel Jarre. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je rappelle que tu le fais aussi ce excellent combo Agoraphobic Nosebleed. Aussi terrible aussi, voilà. Et là c'est son combo un peu plus rock voilà, avec pour jouer au bal du 14 juillet quoi. Voilà, ouais. Si c'est toujours sa compagne au chant. On a écouté l'un des morceaux les plus longs et les moins violents de l'album. Voilà, bah c'est très très bien, c'est sorti chez Relapse, voilà, bon, ouais, dans toutes les bonnes crèmeries. Petite douche au clou là comme ça pour se rafraîchir. Voilà, petit moment revigorant avant de replonger une dernière fois, mon cher Rigoula, dans la dépression avec la new wave poisseuse mais assez savoureuse, lumineuse par moment. Oh, non, de Jessica 93, le projet solo de Geoffroy Laporte, un 4 titres sorti par Et mon cul c'est du tofu, son propre label et un certain nombre de labels collègues aux noms plus extravagants les uns que les autres, Oui, Corn Dog et tant d'autres. Voilà, on va s'écouter pour terminer donc le morceau Népal, extrait de ce 4 titres qu'on aime beaucoup. Et on n'est pas les seuls, si je crois tout le monde si j'en crois ce que je peux écouter du côté de Rennes. Voilà, Jessica. Entre autres 93 dans Secret du son d'abat, on se quitte enfin. Bonne nuit, bonjour, bienvenue dans Secret du son d'abat, au revoir.